Marky Mark en rouquin, un kidnapping de japonaise, le grand retour de Barbara. Cette semaine, on a maté Big Hit et on en parle tout de suite. Alors, McFlap, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à The Big Hit de Chi-Kirk Wong, Wong Chi-Kyung en cantonais. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine. C'est tout. Bonsoir à tous. Ah. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et enfin, tonnerre d'applaudissements pour Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, j'ai perdu 10 kilos en 8 semaines. Et ah j'ai bah ça va, en effet alors. C'est cool, ouais. Hein. Barbara est en cure de désintoxication, pour préciser aux auditeurs. Elle avait une grosse gastro, en fait. Voilà. Grosse gastro, et du coup je change des couches depuis 8 semaines, tout va mieux. Quel heureux événement. Futur auditeur, probablement. Ah oui, c'est sûr. Cette semaine, on parle de The Big Hit de Chi-Kirk Wong. Sorti en 1998 de 91 minutes avec Mark Wahlberg, Lou Diamond Phillips, Christina Applegate, Bokeem Woodbine et Antonio Sabato Jr. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. All right, gentlemen, synchronize. Get ready in 3, 2, 1... Go! I'm a contract killer. That's the only thing that I'm good at. This is a bonus hit. Without a doubt. 10,000 of what hits the big man. Non-dairy creamer? Yeah. Voilà. On n'a pas tout compris là. Verbe à l'imitation des Beastie Boys. Putain, c'est ah, je croyais que c'était vraiment les Beastie Boys. Non, je pense pas, non. Non. Ah, ceci, la BO, je la trouve pas si mal. Ah putain, c'est le premier truc que j'allais dire. Musique de merde, c'est non-stop. Clair. Elle ne s'arrête jamais. La BO, elle est sympa. Ah non. Elle est bien, bien pourrie, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Déjà, j'aimerais te demander, Antoine, comment tu vas? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Je suis un petit peu malade. Tu es pas trac, on dirait. Moi, je suis pas tôt, hein, depuis ce matin. J'ai vomi sur mon patron. Ouais, je vais vous répondre. Hein. Moi, j'ai deux théories sur ce film. Soit c'est une parodie vraiment ratée. Soit c'est vraiment un gros, gros film de merde. Je crois que c'est plutôt la deuxième solution. En fait. Dans tous les cas, c'est raté. Hein, dans tous les cas, c'est raté. Ouais. Ouais. C'est pas très bon. Alors, moi, j'ai une spéciale dédicace pour Greg parce que celui-là, je l'ai maté à une vitesse astronomique. Ouais. Vraiment. Et c'est très, très drôle parce que ça donne finalement tout un autre intérêt au film que je vous raconterai tout au long de ce podcast. D'accord. Alors moi j'étais quand même contente de regarder un chef-d'œuvre pour mon. T'es content pour ton retour, ouais, pour ton retour. Alors déjà la bande-annonce je l'ai trouvée longue et je me suis dit oh merde. Ah parce que tu mates les bandes-annonces avant de mater le film. Du coup elle a regardé que la bande-annonce. Ouais. Bah, ouais. Malheureusement non. En vrai. Mais non mais sinon c'est un truc drôle qui est pas drôle quoi. Ouais c'est ça. Ouais. En vrai vraiment tout est nul, c'est-à-dire que les scènes d'action, c'est censé être une comédie d'action, donc c'est-à-dire que les scènes d'action elles sont vraiment nulles. Franchement, en plus elles sont ralenties tout le temps, c'est trop chiant. L'humour est vraiment nul. L'histoire ah oui, est nulle. Ah, nul. Ah mais c'est vraiment un film de chinois. C'est nul. Nul. Tout ah, non, non. Est vraiment nul quoi. Ah, il y a vraiment rien. Les personnages sont nuls. Le scénario est nul. Ah, le scénario, qu'est-ce qu'il est nul, putain. Non mais surtout il est presque un peu grossier par moment. Il y a des trucs où c'est presque. Non mais il y a des trucs. Sûr. Il y a déjà des trucs très vulgaires. Il y a des trucs hyper sexistes, machistes. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas. Ça, je suis habitué. Ah ouais, non, c'est dur, hein. Mais non, il y a vraiment des trucs pas possibles. Et puis, en fait, il mélange un peu un humour totalement absurde par moment. Ouais. Et il l'utilise même pour faire des goupilles scénaristiques. Enfin, c'est vraiment c'est super raté. Il y a beaucoup de préparations paiement. Ceux-ci sont vraiment pas drôles. Oui. Ceci dit, globalement, je trouve que c'est un bon Besson. Ah, mais c'est pas Besson, hein. Ah merde! Eh ben non, je l'ai dit. Bah, c'est Wong Chi-Kung en cantonais. Ah! Ah d'ailleurs, en parlant de ça, parce que je peux donner mon avis aussi, je suis là, mais faites comme si j'étais pas là. Vas-y, fais-le. Bah déjà, j'ai eu un petit problème avec la bibliothèque, hein, du coup j'ai demandé Big Hit, ils m'ont donné un clip de Michael Jackson. Alors. Big Hit. Passant entre les billards, enfin une guerre de gang, je raconte. Just Big Hit. Et moi, j'ai trouvé ça nul, hein, comme vous. J'ai juste été très content de retrouver l'actrice de Marier deux enfants. C'est le seul truc bien du film, en fait. C'est quand joli, hein, putain. C'est le seul truc bien parce que en plus elle fait le même rôle, à mon avis elle est vraiment comme ça dans la vie, cette nana, tu vois. Elle a le même père surtout. Mais non, c'est pas le même. Al Bundy, c'est pas lui. Ouais. Oui, enfin, je veux dire, c'est un peu le même genre. Barbara prend tout au premier degré depuis son retour. Alors, je fais un point. La personne qui joue son père dans le film, c'est la personne qui joue le père de Rachel dans Friends. Ah ouais, grave, exact. Et du coup, c'est peut-être une sœur de Rachel, ce que je me suis dit, parce que je suis vraiment fan. Ouais, génial. Le film s'ouvre sur une musique de merde, mais va aussi se fermer sur une musique de merde. De toute façon, la musique ne s'arrête jamais, ce n'est que de la merde. Tu dis ça pour provoquer, en fait. Oui. C'est de la merde, la musique que tu as aimée. Je vais vous faire un petit résumé, non? Vous voulez un petit résumé? Ah oui, effectivement. Bah, en fait, on a affaire à une équipe de... c'est l'équipe de Paris. Ouais, c'est une équipe de... Non, c'est pas une équipe de... Moi, je trouve que c'est une équipe de philosophes, un peu. Ouais, c'est vrai. Tu pourras discuter de ça. Moi, je suis pas vraiment convaincu. Moi, je pense qu'il pourra faire une bonne télé-réalité dans le sud, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ou dans le nord. Ou chez les ch'tis. Bon, bref. C'est une équipe de mecs qui savent un petit peu tout faire. C'est un petit peu l'équipe de musiciens impossible. Et donc, ils ont un patron qui s'appelle Paris et qui envoie faire des missions, genre tuer des gars. Et donc, ils ramassent pas mal de pognon. Et on a notre protagoniste, Marky Mark, là, je sais plus comment il s'appelle. Mark Wahlberg, que j'aime pas trop, moi, d'ailleurs. Moi, je vous invite à regarder un de ses premiers clips de musique où tu avais Marky Mark sur YouTube, ça vaut le détour. Ouais, voilà. C'est mieux. Okay. Bah, il est pas mal en rouquin coiffé en brosse. Horrible. Là. Il ressemble à Oz dans Buffy. Je fais vraiment des bonnes références séries, là, aujourd'hui. C'est clair. Il a commencé dans un clip. Il a commencé sa carrière dans un clip. Comme Vincent Cassel. La première partie de sa carrière. Il a beaucoup de mal à assumer la première partie de sa carrière et il déteste qu'on l'appelle Marky Mark. Donc, je pense que Big Hit doit faire partie de tout ce pan de sa vie. C'est pour ça qu'il a fait plein de muscu. Ouais. Bon, ok, très bien. Bon, je vais finir sur un résumé. Et donc, ça, c'est Mickaël, hein. Tu sais, il aime pas les résumés courts et simples. Ouais, c'est vrai. Je peux faire mes commentaires, là. Mais du coup, vous m'embrouillez! Bon, alors, Greg, on comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, il y a cette équipe, et puis, lui, c'est le gentil, il veut pas faire de peine à personne, et au bout d'un moment, il y a le chicanos de l'équipe qui lui dit, bah, vas-y, viens, on va faire un coup, en extra, tu vois, c'est le coup en extra, ils vont kidnapper une petite japonaise, hein, c'est un coup au black, sous le manteau. Sous le manteau, et il se trouve qu'en fait, ils ont kidnappé, la filleule de leur patron, et donc, l'autre, s'ensuit un gros quiproquo, et beaucoup de castagnes de merde. Voilà. Ouais, juste pour revenir sur un petit détail qu'on a noté avec Barbara, c'est que ce coup-là, en fait, il veut pas le faire au début, Mark Wahlberg, parce que c'est au noir. Ouais. C'est-à-dire que d'habitude, il se déclare, et le mec, il fait quoi? Il a l'habitude. Sur cette déclaration d'impôt, il dit, bon, alors, j'ai fait 253 personnes cette année. Je me suis informé, il cotise à la mutuelle des serial killers. Alors, il y a un truc. On rembourse très bien parce que c'est un métier à risque. Il y a un truc que Greg a pas dit, c'est effectivement Mission Impossible, mais leur seule mission, c'est jamais de pirater des trucs, voler une disquette. Hein. C'est toujours tuer des manos, ouais. C'est tout quoi. Ouais. C'est tuer des manos. Il y a un peu que Marky Mark qui bosse dans l'histoire. Les autres, ils prennent. Ouais. Il fait tout seul. Donc, le film s'ouvre, donc il y a ta Marky Mark qui débarrasse un cadavre. Ouais. Alors, il est en train de charcuter, j'ai écrit LOL, là. Cadavre. Il y a sa femme qui arrive. Non, c'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Sa maîtresse. Ah bah oui, mais commence pas à mélanger les torchons et les chemises. De toute façon, je rentrerai pas dans le détail. C'est qui tu considères comme un torchon et c'est qui comme une chemise? Je ne vous le dirai pas. Et puis là, alors elle rigole, elle fait, ah bah dis donc, il était beau gosse avant qu'il meure. C'est vraiment, c'est quiproquo 2000, c'est drôle. Mais c'est super glauque, en fait, t'as quand même un cadavre dans ta salle de bain. Enfin, tu vois, je sais même pas comment. Elle a une sacrée odeur, je pense. Tu peux pas prendre ta douche vraiment tranquille, quoi. Clairement, tu peux pas prendre de bain déjà. C'est compliqué. Bah ouais, mais franchement, il y a des membres par terre dans la cabine de douche. C'est dégueu. Bah, il suffit de les retirer puis de les remettre après, ça va. Et après, ce gros gag, on a direct la première scène d'action, la première mission, en fait. Juste avant, pendant le générique, c'est la séance de sport de Marky Mark. Et le truc, il fait du cheval d'arçon, limite, il fait du saut à la perche, j'ai la tâche synchronisée, quand tu dois faire des sports, mais personne fait ça. Il fait de la GRS, en vrai, il fait du ruban. Il fait du ballon, là, c'est le truc. Il a un cerceau aussi, à un moment. Oui, il a un cerceau, ouais. Effectivement. Il se dérange très bien, d'ailleurs. Et après, c'est un peu l'introduction, parce qu'une fois qu'il s'est bien entraîné tout seul dans cette salle de sport, par contre, dans le vestiaire, il n'est pas tout seul, il est avec son crew. Bah, c'est un peu la bataille des muscles. C'est la team des philosophes, quoi. Putain, ils sont tous costauds, hein. Et puis, ils sont cul nus, hein. Ouais. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Ça vous a plu? Je suis sûr que ça t'a plu, ça, Barbara. Oh, bah attends. Moi, pas trop. Hein. Oh, mais c'est joli. Oh, c'est à regarder. Moi, il suffit que je me mette devant le miroir pour voir à peu près ça. Donc... Pourquoi ça vous fait rien? Ouais, ça me fait pas rien. Pas du tout. Et ensuite vient le moment du premier contrat. Donc c'est un peu une introduction comme dans Léon, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Un premier contrat, c'est marrant parce que pour arriver incognito dans cet immeuble. D'où, globalement, si tu vas vraiment tuer quelqu'un, tu ne ressors pas vivant ou tu te fais choper par les flics. C'est pas un hôtel, plutôt? Oui, j'en sais rien. Oui, c'est un hôtel de luxe. Ouais. Et eux, ils se déguisent en forgerons. Alors, Mais oui, c'est des espèces de tabliers en cuir, ça n'a aucun sens. Ah, donc ils se déguisent en forgerons parce que ça passe incognito. Oh, bah regarde, il y a le forgeron qui vient au 18ème étage. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a le maréchal Ferrand qui monte. Dans la première version du scénario, il devait rentrer en cuisinier. Surtout qu'ils arrivent avec des tenailles genre qui sont pas du tout adaptées à ce qu'ils doivent couper au tuyau, c'est très drôle, c'est ça. Drôle. Alors ils viennent, il faut savoir qu'ils viennent parce que il y a un trafic qui est très courant d'ailleurs cette partie des États-Unis. C'est le trafic de blondes provinciales de moins de 20 ans non tatouées. Elles sont vendues combien? Mais j'ai pas compris. C'est un trafic qui rapporte un fric monstre. L'unité quoi. Mais elles sont même pas trop traumatisées quoi. Après, enfin eux ils vont dézinguer tout le monde et elles vont être là genre ouais. Quand on voit que c'est des professionnels parce qu'à mon avis. Les retours, elles sont un peu traumatisantes la piscine. Alors le jacuzzi. Elle leur dit d'appeler la police. Mais là, il préfère les traiter de salopes et de gouin en partant. J'ai trouvé ça clair. Ils ont pas réussi à pécho, quoi. C'était clairement genre. Ouais. Pourtant, ils sont spécialisés dans le trafic de blondes provinciales de moins de 20 ans non tatouées. Alors, il faut savoir que c'est produit par John Woo. Ouais. Clairement, il n'était pas là pendant les scènes d'action. Je parle pas anglais, j'ai mis du temps à comprendre. Mais alors les scènes d'action, c'est n'importe quoi. Marky Mark, il arrive, il fait du brain dance par terre en Mais les scènes d'action sont vraiment c'est de la danse hip hop. Non mais tu sais genre il fait du break dance par terre en tirant dans tous les sens, une balle de flingue, les mecs ils valent dingue à 3 mètres derrière eux, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça clignote et c'est mais attends, ils ont équipements à James Bond quoi, et les lunettes machin. Alors tout le monde a des lunettes en France. Surtout rouge, tu sais, genre, ça a aucun sens. Ah oui, alors non, mais non seulement ça a surtout aucun sens de mettre des lunettes infrarouges quand tu vois très bien ce qui se passe dans la classe. C'est clair. Tout le monde voit très bien ce qui se passe. Et est-ce que vous avez apprécié cette petite roulade sur rambarde pour descendre les escaliers? Non, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Ça. Donc, il se met à la verticale entre deux rambardes et il roule, en fait, plutôt que de descendre les escaliers normalement. Ouais, mais ça m'arrive de descendre comme ça dans le métro quand il y a beaucoup de monde. Ça me permet de gagner du temps aux heures d'affluence. Marky Mark, ultra efficient parce qu'il tue tout le monde. Hein, il va tuer tout le monde. Il fait 100% de la mission. C'est, si c'est un jeu vidéo, là, il a 100%. Quoi. Ah, voilà, il c'est un objectif complet. Et il s'évade avec un coup justement à la mission impossible, c'est-à-dire qu'il accroche une espèce de corde avec un petit harpon et hop, il saute par-dessus bord. Il l'accroche à un radiateur hein, en fonte qui tient très bien le coup hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, qui va exploser d'ailleurs. C'est autre chose que les radiateurs électriques qu'on a maintenant. Avec ça, à l'époque, tu pouvais chauffer un étage entier avec un radiateur comme ça. Hein. Avec, ça coup, avec ma merde. Chez mon harnais, tu sais combien je paye avec EDF avec la merde qui est là 62 balles par mois. Et ça chauffe rien. Je suis malade. Et il met une bombe en même temps, du coup ça explose et en fait ça coupe sa corde. Et coup de chance, il était juste au-dessus d'une piscine. Ouais. Voilà. Ouais. Alors à noter du coup, quand même dans la piscine. En même temps, s'il meurt là, c'est la première scène. Ça aurait été bête quoi. Ouais, mais c'est quand même un coup de chance, il faut bien l'admettre. Bon, ce qui est marrant, c'est que. Mais tu sais pas où ils sont les autres en plus. Mais surtout quand tu fous le bordel comme ils ont fait au dernier étage, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui t'attende en bas à la sortie. Quoi. C'est méga long, il n'y a pas un flic à l'horizon. Mais non, personne. Bah non, mais écoute, personne n'est au courant puisqu'il y a encore deux nanas qui se font bronzer au bord de la piscine au moment où ils sautent dedans. Ouais. Visiblement, il y a globalement pas de flics dans ce film, il y en a zéro. Non. Et d'ailleurs, les meufs, elles bronzent à la piscine, mais elles n'ont pas entendu que trois étages plus haut, ça canardait depuis 20 minutes, quoi. Il y a des explosions, des grenades surtout et tout. Que normalement, il devrait y avoir le maître d'hôtel qui devrait venir les voir pour leur dire écoutez. Normalement, le maître nageur sonne la cloche. Alors là, il y a un petit bail avec le bonus parce que celui. Alors ça, c'est encore une fois, c'est normal, hein, c'est un peu l'esprit compétition à l'américaine, c'est celui qui tue le grand big boss, il a le bonus. Ouais. C'est celui-là qui a le bonus. Un système de prix. Donc il se fait victimiser comme une pauvre merde, comme par sa maîtresse, comme par ses potes finalement. En fait, il leur file sa thune. Il s'est racketté un peu. Ça, c'est de la bonne mise en scène, Julie, on est d'accord. C'est excellent, ça, c'est clairement Oscar, direct. Juste petite précision, la prime est déclarée également, hein, officier. C'est pas Oulac, attention, non. Ouais, il faut mettre 20% à peu près dessus. Bah oui. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il rentre chez lui, tu comprends que c'est un tueur en série, parce que. Il ouvre, ça, donc il arrive dans son garage, il y a le truc avec les outils là, c'est l'américaine. Ils ont tous un milliard d'outils. Il ouvre parce que c'est genre une trappe secrète et derrière t'as un milliard d'armes, genre des usines, des flingues, des grenades. Ouais, et en bas à droite, il y a genre une arbalète de la guerre de 100 ans et un truc en bois qui a aucun sens. Tu sais, genre avant une mission, il fait, moi là, je vais plutôt prendre l'arbalète là, c'est bien galère. Ah non, c'est discret l'arbalète. Il y a la catapulte aussi. Il a des carreaux. On dit pas des flèches, on dit des carreaux. C'est vrai. Bon alors sa gonzesse, bah elle est conne à bouffer du foin. Hein, je suis désolé. Donc effectivement love c'est marriage, ouais, love. C'est ça. Et donc il arrive et ils vont s'expliquer tous les deux. Bonjour chérie, ça va? Ça va. Tu as vu ma cassette de King Kong 2? Non, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce que tu penses de mon cul? Il est toujours rebondi? Je dirais même qu'il est. Viens, allez, vas-y, tâte. Dis-moi ce que t'en penses. Oh. Toujours rebondi. Mm-hmm. Il est ferme mais malléable. Un cul d'ado. Est-ce que ça te dit? Un vrai interrupteur. J'ai une idée. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non, qu'est-ce qu'on devrait faire? Inviter maman et papa à venir ici ce week-end. En fait, ils sont déjà en route. Ils doivent arriver demain. Je me disais qu'on pourrait dîner tous ensemble. Enfin bref, je crois que ce serait sûrement l'occasion rêvée pour toi et mes parents de souder de vrais liens. Et je me dis aussi que ce serait le moment... Avec le petit... le petit scratch. À noter la musique de Nespresso derrière. Ouais, c'est un mélange de la musique de Nespresso et de From Paris to Love avec le... Elle est bien cool la musique. C'est toi qui me disais que t'aimais bien la musique, Mickaël. Non mais enfin ça va. Attends. On a juste à remonter 5 minutes en avance. C'est ce que tu disais. Pas du tout. Et donc sa gonzesse, elle lui coûte du pognon comme sa maîtresse. D'ailleurs, c'est tout à fait normal d'avoir une maîtresse. Mais en oui, film, à aucun moment, tu sais, il est gentil, mais il a quand même deux meufs. Non, il a pas envie de déplaire le pauvre. Mais il a quand même aussi des actions chez Malox. Il y a un moment, il arrête pas de s'enfuir du Malox. Mais pour moi, le Malox, c'était mal, vraiment du laxatif, quoi. Donc, bah, ils ont coupé toutes les selles où ils faisaient caca. Mais attendez, depuis quand j'ai 30 ans de moins que vous, c'est quoi du Malox? Bah, c'est pour les. Comment, les aigreurs d'estomac? Ah, mais moi, j'ai moins qu'à visconnel avec moi. Ah, bah, ouais, c'est vrai. C'est bien plus efficace. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'il a plein de crédits sur le dos. Et il gagne que de la fraîche, quoi, en fait. Alors comment il fait pour payer ses crédits, quoi, tu vois. Après, il ramène ses 25 000 dollars quand il a une prime à la banque. Il fait, on mettait ça sur mon compte, comme ça aidera à payer mes crédits. Mais non, mais c'est déclaré, Greg. On te le dit depuis le début. Ah oui, c'est vrai, c'est déclaré. Il a les tickets resto et tout. Hein. Alors, il a un problème d'argent, donc il est obligé d'accepter le contrat de son pote. Alors, son pote, il lui dit, ouais, il y a un contrat et tout. Mais il accepte sans savoir ce que c'est. Ça, j'ai trouvé ça assez malin. C'est encore pire que nous quand on accepte les conditions d'utilisation d'Apple, quoi. Tu vois, lui, il fait, ouais, c'est quoi le contrat? Bah, vas-y, je le fais. Ben ça se trouve c'est un truc méga dangereux. Il veut pas le faire. J'allais dire c'est comme nous quand on accepte les films du chapeau sans savoir ce que c'est. Hein, genre, mais on est obligé de le faire. C'est vrai que c'est des contrats. Nous c'est une mission. Hein, on a signé pour. Hein. C'est une mission divine. Lui c'était un extra donc à la limite. Et alors là, accrochez-vous, c'est le moment du gag scénaristique pour le coup, puisqu'il faut kidnapper qui? La fille de Jiro Nishi, un japonais. Et il s'avère qu'il est ruiné, donc la rançon, elle va pas être de beaucoup. Un coup de malchance. Génial. Alors, le kidnapping. Comment ça se passe? Bon, bah déjà, pour la kidnapper, bah, au lieu d'aller la chercher au lycée ou machin, l'idée, c'est de tuer un innocent, c'est-à-dire le chauffeur de la limousine pour le remplacer. Ouais. D'ailleurs, j'ai une chose à dire là-dessus, c'est extrêmement risqué, parce qu'en fait, il tue le chauffeur de la limousine, il met son costume, et puis il va chercher la fille du japonais. Mais s'il avait été gros? Exactement, par exemple. Le costume lui va parfaitement. Par exemple, non mais je tiens. Surtout, il va un peu grand. Là, non, t'es mauvais exemple, il lui va un peu grand. Je sais pas si t'as remarqué, mais il lui pète une énorme balle dans le plastron. Bah, en gros, il y a du sang partout sur la chemise blanche. tout ça pour dire, en fait, je m'adresse juste aux auditeurs qui seraient brigands, hein, qui auraient pour idée de faire un kidnapping. Au bandit. Au bandit, l'auditeur. Prévoyez votre costume. Bah non, mais faut pas tomber sur un chauffeur nain, quoi, par exemple. Ah, ce serait dommage. Bah, non, déjà, il y a un grand film où il se passe ça, où il, Die Hard, où il trouve les chaussures du terroriste qu'il veut récupérer et où il dit qu'il a les pieds plus petits que sa sœur, par exemple. Ça arrive dans des bons films, ça arrive. Alors, le. Comment il s'appelle? Marky Mark. Il démonte le chauffeur. Alors, un innocent, ça a l'air de gêner personne, mais il tue un paquet d'innocents. Dans le film, Ils tuent sans compter. Mais ils se font jamais choper. Ils tuent sans compter. N'importe qui, dès qu'il y a une petite contrariété, il tue. Parce que deux secondes après, une fois qu'il a tué le chauffeur, il va chercher la fille. Et il y a le copain de la fille. Il essaye quand même de la violer, donc à la limite, lui, c'est pas ça va. Ça va. Techniquement, il se passe rien. Ils jouent, ils sont ados. Laisse-les découvrir leur corps, Barbara. Bon, en tout cas, il se prend une bastos. Non, non, mais en tout cas, non, mais c'est clairement un viol. Enfin, je veux dire, le gars, il passe du mec sympa à tiens, vas-y, je te ramène en bagnole. Ah, j'essaie de te violer dans la limousine. Il est complètement con. À quel con, moment ce mec-là. Il est sympa? Il a trouvé une tête de premier de la classe, envie de le claquer. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question sur ce film. Est-ce qu'il est sponsorisé par un quelconque groupuscule de roues, quoi? Parce qu'il y a que des roues. Marky Mark, il est roux. Le mec de la limo, là, le pote, il est roux. Le mec du vidéoclub, il est roux. Tout le monde est roux. Je pense que pour les roues ici présents, faudra peut-être redescendre un peu dans le C'est l'international des roues du cinéma. On n'a rien contre les roues, je suis roux moi-même. Roux de barbe. Alors, bon, bah, comme il essaye de la violer, Marky Mark, lui, ça le fait monter en tour secrètement. Il se retourne, bam, balle dans la tête. Et là, à ce moment-là, elle a un peu peur quand même, parce que bon, elle a un cadavre sur les genoux, quoi. Et ensuite. Elle est peut-être un peu dégoûtée, non? Bah ouais, je pense que ça fait un peu peur de voir. Ouais, parce qu'elle avait déjà le syndrome de Stockholm, mais bon, voir son violeur mourir, bah, alors qu'elle est tombée amoureuse. Alors, on va revenir sur le syndrome de Stockholm. Ah oui, parce qu'il y en a plein après. Il est très puissant dans ce film. Et alors là, après, elle va rencontrer donc ses ravisseurs qui lui expliquent voilà, t'es kidnappé et tout. Et elle va ouvertement se foutre de leur gueule. Mais attends, il y a ton collègue classe qui vient d'essayer de te violer, ça te faisait un peu peur. Là, t'as 4 manos surarmés. Et tu joues avec eux, bah attends, ils peuvent peut-être faire la même chose en 10 fois pire, quoi. Ah oui. Tu vois. Non mais là, elle a pas l'air de cogiter ça. Ouais, c'est pareil. Il y a des bonnes notes d'humour parce que d'orthographe, là, tu vois, en écrivant le mot, donc elle le puis fait c'est remarquer. Pas long. Je sais pas, t'as pas remarqué, c'est le bon timing. Ouais, c'est bien 2030 la blague. Là, au niveau des vannes, ça s'enchaîne, bam, bam, bam, bam, c'est rire. Je pense que ça a été pensé, il y a à peu près un rire toutes les 15 secondes, du coup, le rythme est maintenu, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'il construit les spectacles de Gad Elmaleh, d'ailleurs. Ouais, voilà, du rythme. Là, c'est vraiment rythmé, quoi. Après, bah, il se barre, enfin, ouais, c'est ça, il se barre. Demande de rançon, c'est ça? Demande de rançon au téléphone. On a mentionné que son père était un cinéaste et qu'il avait quand même fait Les Aventuriers de l'Urinoir perdu. Moi, je tenais quand même à. Vous avez pas. Mais ne me regarde pas comme ça, Michael. J'ai vu le même film. Attends, t'es qui? Qui es-tu? Non, mais donc, c'est pour ça qu'il est ruiné. On n'a pas dit pourquoi il était ruiné, mais ça va avoir une incidence puisqu'il a des posters de ses films en or massif. Oui. Et ça, c'est une préparation que j'aimerais souligner, va quand même peut-être sauver notre héros. N'hésite pas à bien souligner toutes les préparations parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Beaucoup de paiements. Hein. Et c'est payant pour le coup. Ça m'aurait vraiment fait chier de payer pour voir ce film. Alors, il s'avère, manque de Paul. Moi, je l'ai téléchargé légalement. Au moment où, Ah oui, il va se faire un harakiri, ouais. Il faut savoir que les huissiers ont pris tout ce qu'il y avait dans son appart, sauf son affiche de cinéma et son téléphone. Et son sabre. Et son sabre. Et les nombreuses machines qui vont servir à retracer le numéro aussi. Hein. Mais est-ce que tout le monde a une machine pour retracer les numéros qui sont appelés chez toi? Là encore, une fois, qu'est-ce qu'on arrive? On s'est appelé avec Greg, j'ai mis sur pause, j'ai appelé Greg, je fais, t'as vu le truc des machines là? J'arrivais plus à l'entendre. alors il s'avère, putain, manque de Paul. Et ben la japonaise, en fait, c'est la filleule du grand patron. Ouais, et là, le grand patron, il est vénère. Et c'est parti pour le chapitre suivant que j'ai nommé Quiproquo à gogo. Accrochez-vous, c'est parti pour des grosses barres de l'homme. Te refiler ton merdier et te dire que je te largue. Je te balance, espèce de sale plouc. Je me casse. Non, non, ça va me faire ça, Chantal. T'es chier. Je vais prendre un verre de jus de pruneau. Alors, c'est parti pour 3 minutes de ska de merde. Tu sais que la BO était formidable. Alors, c'est dope ou quoi? Non, c'est scapé. Moi, je l'ai regardé en accéléré, du coup, ça donne du Benny Hill, en fait. Je regarde en accéléré, ouais, c'est bien le passage. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, déjà, je vous conseille de le voir, d'arrêter ce podcast instantanément et de le regarder tout de suite. Mais le ska, là, ça ne va pas s'arrêter. Ça va vraiment durer 3 minutes avec la scène où elle va dans la salle de bain, elle sort. Hop, il y a son ex qui revient. Avec le cadavre aussi, les beaux-parents et tout, c'est vraiment super drôle. Alors les beaux-parents qui arrivent, alors là c'est la belle-mère, c'est moi, c'est Laurence Boccolini, non? C'est bah non, mais c'est la mère de Kelly dans Marié deux enfants, mais en blonde, quoi. En grosse aussi, ouais, en plus grosse. Ouais. Un peu plus fat, hein, quand même. Ouais. Oui, et là, c'est le vaudeville, ouais. C'est-à-dire que pendant tout le long, il va y avoir porte qui claque pendant toute la partie quiproquo de quiproquo à gogo. Y a quiproquo 2000, c'est ça que t'avais dit. Bah, non, mais je savais plus comment tu l'avais intitulé. Donc là, il y a des portes qui claquent, et puis il sort par la cave, il sort par le garage, il sort par la cuisine, il passe par la deuxième porte. C'est très très drôle, là. Franchement, on se marre bien, on se croirait sur un théâtre de boulevard, j'adore ça. Non, mais c'est vous avez vu que le père, il veut de l'alcool, et on lui dit non, surtout, il ne faut pas qu'il boive d'alcool. Moi, j'ai cru que c'était Roger Rabbit, le père. Hein. Oui, alors surtout, on dit ça, on fait, il faut surtout pas qu'il boive de l'alcool, et ensuite, toutes les scènes, on le voit, il fait. Il se met de l'alcool dans son verre, il se passe absolument rien. Mais, alors, ouais, deux jours. Mais non, c'est à la fin, quand il... Bah ouais, mais bon, ça a l'air d'être quand même deux jours après. Bah, en fait, l'effet que ça a sur lui, finalement, l'alcool, c'est qu'on sait pas trop pendant tout le film. En fait, il vomit, c'est comme tout le monde. Ouais, il dit ce qu'il pense et il vomit, quoi. Surtout, j'ai une petite remarque à faire sur ce qu'il boit, parce qu'à un moment, ils vont dire ce qu'il boit. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote personnelle à dire à ce propos. En fait, il boit du jus de pruneau. Attends, si ça concerne ton transit, c'est bon, lequel? On en a déjà parlé de tes problèmes. Mais non, mais tu sais, j'arrive pas à aller à la selle. Alors je suis obligé de boire du jus de pruneau. Non mais moi j'ai cru qu'à un moment il allait se transformer en gremlins, tu vois, s'il boit de l'alcool. Moi aussi. Ah oui. Et moi aussi. En fait, qu'en fait il s'envoie quand même un bon de millilitres avant d'être bourré, quoi. Donc c'est juste normal. En plus, quoi. En plus quand il est bourré, il dit quoi? Il dit ses quatre vérités à sa connasse de femme. Et à sa connasse de fille. Bah hey. Non, par contre il a l'air bien con lui aussi. Alors il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est que la japonaise qui s'est fait kidnapper. Eh ben, elle va aller au petit coin. Alors là, Alors, je fais juste une toute petite précision pour qu'on puisse suivre l'histoire. En fait, on lui a refourgué la petite parce qu'au début, la petite, elle était ailleurs. Et finalement, elle arrive chez lui. Et c'est ça qui fait la séquence humoristique. Oui. C'est pour ça qu'il se retrouve. Vous pas en nous écoutant, parce que vous avez pas encore compris. Voilà. Séquence humoristique, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec la kidnappée et en même temps à devoir gérer les parents. Ah putain, qu'est-ce que c'est drôle. Les parents, la maîtresse. Il faut qu'il gère tout. Il y a un cadavre aussi. Enfin, c'est que du lol. Et donc la japonaise, à un moment, bah, elle a envie de pipi. Et du coup, ils vont aux toilettes. Et elle a les mains attachées, les pieds attachés. Et elle fait, il faut me baisser ma culotte. Et il y va, hein. Il y va, tranquille. Et elle est là, genre, ah, trop cool. Genre limite, elle kiffe. Mais grave. C'est vraiment le syndrome de Stockholm le plus rapide que j'ai vu de ma vie. Enfin, ça, c'est rapide, mais elle a j'en tendance... ai vu beaucoup. Hein. Ai vu, elle a tendance à l'avoir assez rapidement, ce syndrome. Moi, j'ai noté deux choses par rapport à ça. C'est déjà, à un moment donné, elle va aussi avoir envie de faire caca, donc ça va être un peu plus dur. Et puis surtout. Elle s'essuie pas. Elle s'essuie pas. C'est dégueulasse. C'est cracra. On peut pas le faire non plus, tu vois. À l'image, on pouvait pas le faire. Ils ont réfléchi. Ils se sont dit, on va pas le faire. Tu vois, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais c'est l'anecdote que je vous donne. Et alors, ensuite, c'est à l'attaque, puisque alors l'autre traître, il va désinguer son ancien complice. Là, ça va tuer à gogo. C'est le complice à la casquette Kangol. Ouais, c'est lui, c'est Kangoo. Ça. C'est l'ancien de Hissamotil. Alors déjà, il y a une incohérence pendant tout le long, c'est-à-dire que on sait très bien, le mec, il veut sauver la face, celui qui a vraiment fait le coup, c'est-à-dire le Cisco. Il veut sauver la face, sauf que le moment où le père va retrouver sa fille. La fille va dire, bah, c'est lui qui m'a enlevé, et voilà, c'est fini, quoi. Aucun sens. Ouais. Et le truc que j'ai dit, je fais, bah, c'est simple, elle va le boucave, et puis il est mort, quoi. Mais je pensais vraiment que ça allait arriver à la fin, moi. Mais en fait, ça arrive même pas, quoi. Non, ça arrive pas, ouais. C'est vraiment nul, quoi. Et alors, ensuite, c'est. De toute façon, il est mort, à la fin. Oui. C'est la séquence atelier mythique cuisine. Puisque il va falloir qu'il cuisine pour ses beaux-parents qui sont partis à la synagogue. Alors moi j'aimerais souligner quand même qu'elle s'est pas essuyée, mais elle s'est peut-être au moins elle a pas les mains sales, quoi, pour aller faire la cuisine. Parce que après, elle se lave pas les mains. Contre, du coup. Autre anecdote, ils ont enlevé cette scène où elle se lave les mains. Mais elle l'a fait quand même, hein, je te rassure. Ouais, on a vu un autre montage avec Greg où il y a justement tous les lavages de mains. C'est vachement plus long. Il met un shampoing et il lave sa caisse aussi au milieu du. Ça fait d'autres effets de réalité qui sont pas mal. Surtout qu'il y avait une sacrée vaisselle à faire avant de commencer à cuisiner. Hein. C'est pareil, c'était. Cette scène dure 30 minutes. Il fait vraiment le nettoyage dans la baraque. C'est vraiment long, quoi. Ils font un truc à bouffer. Au moins, il y a un gros plan sur une poêle où, genre, il y a des champignons, mais qui ont l'air dégueu, dans 2 litres de beurre, mais ça a l'air mais dégueulasse. Mais attends, c'est un peu, et aussi, c'est un peu un remix de Ghost, quoi. Mais alors là, ils font de la poterie dans Ghost, hein, c'est pas pareil. Oui, c'est mais pas franchement, ça. Moi, ça m'a fait trop penser à ça. Je sais pas si t'as vu Ghost. Alors, franchement, expérience comique, mais la musique de Ghost sur le fourrage de dinde, ça fera pas le même effet. Hein. Et alors oui, alors, effectivement, ils vont fourrer la dinde en se regardant dans les yeux, c'est très très très enfin, sexuel. Je me doute que tu sais ce que c'est. C'est l'enfer. Parfois, il me prend des envies de m'évader. Tu me comprends? Ça oui, je comprends très bien. Moi, c'est pareil, je rêve que de m'évader, de quitter tout ça. Donne-moi ça si tu prends mal. Tu te prives d'un plaisir. Toute la joie de la cuisine, c'est de ne pas hésiter à y mettre les mains et de patouiller. Vas-y, patouille. Ça me déplaît pas. Maintenant, il faut glacer notre licorne LM4. Notre lait quoi? C'est une poule à rôtir. J'apprends tout ça en TP de biotechnologie. Tu peux me rappeler ce que tu penses de la musique de Genre, tous c'est... les extraits que j'ai mis, c'est à chaque fois un enfer. Ouais, ça, bon, c'est Backstreet Boys, hein, je crois. Non, ça ressemble à du... Non, mais à chaque fois, ça ressemble à un truc connu, mais c'est pas connu et c'est nul. C'est pas vraiment sur la BO, Robbie va. Williams. Non, je pense pas. Hein. Bah, ouais, mais moi, j'ai une petite anecdote sur cette scène et sur la comédienne donc, qui joue la japonaise. En fait, c'est la fille d'un grand chef qui s'appelle Michael Shaw. Voilà. Elle a 12 ans et demi. J'en ai pas trouvé 36 des anecdotes, alors je vous prierai d'apprécier celle-là à sa juste valeur. On apprécie, bravo, hein. Est-ce que tu peux la dire une deuxième fois? En tout cas, j'ai trouvé cette scène. Voilà. Pour ceux pareil, qui n'ont pas vu le film, il faut ça... le dialogue qu'on vient d'entendre, c'est quand même une nana qui s'est fait kidnapper le matin même. Hein. Ouais. Et qui est en deuil de son meilleur ami, quoi. Violeur, mais qui s'est quand même pris une balle dans la tête alors qu'il était sûr. Même reste, c'est quand même assez glauque. Et ensuite, c'est non, mais attends, elle se rebelle. Juste après, elle lui met un. Elle lui met c'est vrai un qu'elle coup, lui met un taquet pour essayer de partir. Ouais, donc c'est là, c'est ce qui se passe. Elle essaie de se barrer. Du coup, effet comique, au moment où elle se barre avec la bagnole. Eh ben, il y a les parents qui rentrent. Ou là, je confonds avec une autre scène où elle est coincée. C'est pareil, ouais, coincée il... dans le coffre de la bagnole et les parents partent avec la bagnole. Et en fait, ils reviennent et lui, ressort le cadavre. Et là, il y a le chien qui prend le sac poubelle où il y a le cadavre. Et là, elle ressort du placard. Ah, là. Et là, elle rentre dans la cuisine. J'ai dû mettre sur pause. J'arrivais plus à respirer tellement je riais. Ah, ouais, quand le chien, marrant. Il est arrivé, j'en pouvais plus. Alors ensuite, c'est le repas. C'est le repas avec les beaux-parents. Donc le beau-père bourré. En plus, il y a les méchants qui arrivent et qui sont à table. Alors les méchants, ils tuent. 1 milliard d'innocents depuis le début du film, ils s'en battent les couilles. Par contre, là, il y a la famille. Et là, ils font, la bon, quand même, devant la famille, on va pas se tuer, quoi. On se tient bien, attention. Donc là, c'est la scène du repas. Pareil, avec du gros quiproquo, du lol à gogo. Après, c'est la poursuite en bagnole. Il se passe des trucs bizarres. Franchement, qu'il n'y a pas la vidéo, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Tu peux tu dis ça parce que je suis en slip? Non, je comprends pas. Ouais, tu disais? Ça va, je vous fais chier, hein. Tu veux pas lui caresser le dos non plus pendant qu'on est. Ensuite, c'est la poursuite en bagnole avec l'éternel demi-tour, marche arrière. Ça, il le fait bien, ça. Hein. Ouais. Ça rappelle un peu Drive. Ouais, ça rappelle Drive, ça rappelle Fast and Furious. Rapide et furieux. Mais on n'a pas parlé du mec qui passe son temps à se masturber et qui du coup muscle ses doigts. Ah oui. Il entretient une relation amoureuse avec sa propre main. Oui. Ouais, avec sa propre main. Oui. En fait, il a pas compris que le principe de la masturbation, c'est pas de serrer le plus fort possible, quoi. C'est quoi alors? Bah, explique-nous, c'est quoi, Mickaël? Mais vu que t'aimes bien toucher les règles depuis tout à l'heure, peut-être tu pourras lui expliquer après le podcast, hein. C'est une possibilité. Ou pendant. Ou pendant, c'est ouvert. Allez, on enchaîne. Alors, on enchaîne avec le syndrome de Stockholm 2000, puisque là, elle lui pose la question. Ils sont tous les deux en voiture. Et elle lui dit, mais. Que se passe-t-il maintenant? Lui fait, bah écoute, je vais te ramener. Genre, sous-entendu, le kidnapping, ça a foiré. Et là, elle lui fait, non, mais pour nous deux. Genre, bah, attends, mais tu trouves pas que ça va un peu vite quand même? Non, mais surtout, il y a à peu près une demi-heure, elle a essayé de s'enfuir de sa maison. Ouais. Et lui, il va pas se dire, bah, elle est encore en train de me la faire à l'envers. Là. Non, non, c'est genre, maintenant, ça y est, c'est sûr, c'est le grand amour, quoi. Ils vont avoir un accident dans un ravin. Le ravin, il sort vraiment de nulle part, là, pour le coup. Là, c'est vraiment un Tex-Avery, quoi. Le truc, il roule et en plein milieu, t'as le grand canyon. Mais ils nous font, surtout, ils nous font une San Andreas, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est ce ils sont retenus sur une petite branche. On l'a tous noté, forcément. Mais The Rock n'arrive pas en hélicoptère, non. Par contre. Non. C'est assez décevant. Ensuite, Sam Henley avec l'attaque dans la forêt, l'attaque dans le vidéoclub. Dans le vidéo, j'ai une anecdote sur le vidéoclub. C'est que des posters du studio Trauma. Vous connaissez le studio Trauma? Oui, et ben voilà, c'est que des posters de ce studio-là. C'est quoi le studio Trauma? C'est des producteurs de séries ZZZZZ++. D'où, en fait, finalement, la possibilité que ta théorie, Greg, la première théorie que tu évoquais tout à l'heure, que ça soit fait exprès, que ça soit un film de merde, pourrait être réel. Ou pas. Moi, j'y crois. Hein. Bah si, c'est fait exprès, mais c'est bien réussi, quoi. Il a parfaitement réussi à faire un film de merde. Non, mais il y a cette histoire de VHS qui est latente tout le film. Et on se rend compte que c'est la maîtresse. Mais ça, c'est préparation. Non, là, c'est paiement. C'est pas vraiment préparation. Non, c'est plutôt running gag. Quoi. Ouais, c'est un running gag. Pardon, attention, technique. Putain, j'ai commencé à comprendre la préparation paiement. J'avais repéré ça. On pourrait pas dire du coup que c'est une préparation paiement. Non, du coup, c'est plutôt une préparation paiement. Mais dans ce cas, c'est un running gag. Ok. D'accord. C'est drôle en plus. C'est extrêmement drôle. À la fin, ça explose. Dans un film comme ça, de toute façon, tu t'en sors que par de l'explosion. Et alors la conclusion du film, c'est qu'elle disparaît quand même avec un tueur timbré qui l'a kidnappé. Ouais. Bah parce qu'il est rouquin et coiffé en brosse. Bah il a un voilier quand même. Bah non, c'était celui de l'autre. Oui, celui de l'autre. Ouais. Ouais, mais du coup là maintenant. Ça c'est préparation paiement pour le coup à la fin quand il est avec le voilier. Oui. Mais d'ailleurs, je me suis dit, les mecs, tu commences à maîtriser les termes techniques. Tu devrais enseigner le cinéma. Les mecs, ils sont même pas fait chier à faire un plan serré, quoi. Ils ont juste fait un plan large du bateau. Ça veut dire qu'en fait, les comédiens sont jamais allés sur ce putain de bateau. Bien sûr, on les voit devant. De toute façon, pour le dernier plan bateau, je sais pas s'ils sont deux dans le bateau. Il y a un bateau qui fait 45 mètres et il y a 5 voiles. À mon avis, il a pas monté 5 voiles. Le truc, il a 3 mâts et tout. Il va pas me faire croire qu'il est tout seul avec sa nana dessus, quoi. Vas-y, tiens la barre, monte les voiles. Première tempête, le mec, il est dedans, quoi. Jamais fait de voile, Komiki, là. Oh putain! Le fuck! Je t'ai dit, c'est le fuck! Des chocs! Les mecs, ils switchent, ils deviennent marins. Ils gagnent sur tout le monde, tu sais. Je t'avais dit de border! Putain, t'étais plus sympa en tueur en série rouquin. Moi, je reviens juste sur une scène avant le plan sur le bateau. En fait, c'est marrant parce qu'on la voit, elle est de retour au lycée. Et t'as un mec qui dit « Ah, j'ai vu, c'est trop bien, on va faire un film sur ton kidnapping !» Bah, c'est The Big Eat, en fait. Ça va être loupé, quoi. Et moi, j'ai pas compris pourquoi ce film s'appelle Big Eat. Parce que c'est le gros coup. Le gros coup, c'est de kidnapper la petite, quoi. Ça te va comme réponse? Putain, fallait pas aller chercher super loin, quand même, la Barbara. Attends, je me remets dans le bain et tout. Là, j'ai quand même un cri. Moi, j'ai pas compris Pirates des Caraïbes. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? Plus jamais ça. Ouais, plus jamais. Bon, ça, on le dit toutes les semaines. Ouais, c'est vraiment. Il était particulièrement raté. Un peu ta gueule et c'était vraiment raté. Quoi. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaires. Du coup, il n'y avait pas suffisamment de 5 étoiles, donc j'ai pris tous les commentaires. Donc, il y a du 4 étoiles, du 3 étoiles, du 1 étoile. Premier, c'est Michael M. qui dit la BO. C'est toi. La BO est extraordinaire. Bon, évidemment, c'est une blague. On commence par le visiteur du 77 qui nous dit c'est complètement débile, imbécile. Bref, tout le contraire d'intelligent. Et c'est une qualité. 4 étoiles. L'aigle 78. Qui nous dit, c'est cool, il y a du 7-7, 17-8. On a l'élite de la société. Petit film d'action qui permet de passer le temps, mais si vous avez le choix, priorisez autre chose. Donc si par exemple vous avez prévu de faire un jeu de loi avec votre oncle par alliance, priorisez quand même cette activité. Si t'as pas le choix, tu le mates. Hein, Comment tonton? Les petits chevaux? Ah bah je suis partant. Ensuite on a Fast 666, donc du 666. J'aime pas ce département. Film pour ados assez réjouissant. Action, second degré assumé, scénario léger. C'est bien quand on réfléchit pas trop. Ouais, ça c'est sûr. Alors, un client sur Amazon cette fois-ci, qui titre incroyable. Un film, j'aime bien parce qu'il utilise un mot qui me fait rire. Un film très bien mis en scène, bourré d'action et dont l'humour très second degré est très déconcertant pour ce type de film. Mais tout à fait poilant. Et on finit avec Siming. C'est Jessica Bipolaire, en fait, qui nous écrit. Qui dit, le film commence fort, très fort même. La scène d'action de départ est impressionnante. On sent tout de suite dans l'action. Bon, après ça, tout devient plus mou. Le film va prendre au deuxième degré. Toutefois, il y a pas mal de scènes où on se demande si c'est pas une parodie. Quant aux acteurs, c'est du tout bon. Bon, seule la fille. Seule la fille kidnappée peut paraître légèrement peau de colle. Le dernier bon point reste l'humour, omniprésent durant tout le film. Bon, plus ou moins lourd, d'ailleurs. Une réussite. 4 étoiles. C'est Marky Mark, ça? C'est pour Mickaël, hein. Ça, c'est. Hey. Tu tapes Big It OST dans YouTube, c'est ce qui tombe, donc c'est celle-là que t'as kiffé? Non, je sais plus, j'en ai bien aimé une ou deux, en fait. Mais je. C'est ça, ouais. Bah, tu nous diras la prochaine fois, hein, je m'achèterai la bande originale d'ici là. Bah, tu le regardes et puis tu notes. C'était notre avis sur Big It. C'est le moment de tirer deux films au chapeau. Qui tire? Au sac poubelle. Ouais, moi, j'ai bien tiré, ça fait longtemps, moi. Ah oui, Barbie. Moi, Barbie Antoine. Allez. Barbie Antoine. Tout nouveau modèle. Barbie Antoine. C'était le nom d'un pirate, tu savais ça. Allez, c'est. Attends. Allez, ah, c'est bon. Alors. Ouh! Je sens qu'il y a quelqu'un qui va pas kiffer. Enfin, qui va kiffer ce film. C'est E.T. Oh, E.T. Yes! Il va prendre tarot! Yes! Et moi, j'ai Lovely Bones. Ah non, ça. C'est de Seth Rich. Ouais. C'est quoi Peter Jackson, non? Ah ouais, ouais. Bah, c'est pas un thriller de merde? Ouais, c'est pas. Moi, j'ai pas trop aimé. Mais c'est quoi, c'est un thriller? Vous verrez, thriller, tueur d'enfants, tueur de petite fille morte, etc. Bon, je vais vous laisser la surprise. Oh, hein. C'est dégueulasse. Cool. Mais tout en poésie. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Big It. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de E.T. de Steven Spielberg. Et n'oubliez pas de participer au grand concours 2HDP. Est-ce que tu rappelles très brièvement les bails du concours, Mickaël? Envoyez-nous un petit enregistrement à 2heuresdeperdu@gmail.com. Faites-nous rire et si vous y parvenez, vous serez peut-être choisi pour enregistrer un épisode de 2 heures de perdu avec nous. C'est très clair. Ouais, t'as l'air très enjoué en tout cas. Alors du coup, moi je débarque. Mais toi tu participes déjà, Barbara. Non, j'ai pas besoin de vidéo. Non, alors qu'est-ce que oh, putain, vous m'enlevez des pines du pied. J'ai eu peur, j'ai eu du stress. J'ai des grosses rides sur les. Ok. Bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Bisous.